Sept femmes de Lydie Salvert. Deuxième épisode, Virginia Woolf. Texte dit par Hélène Losseur. Comment comprendre le cœur humain? Le jour où meurt sa mère, Virginia Woolf voit le docteur Seton s'éloigner, les mains dans le dos, comme pour dire « c'est fini ». Alors elle se surprend à rire devant l'infirmière en larmes et couvre de ses mains son visage en feignant de pleurer. En elle, rien, nulle émotion, juste la volonté de donner le change. Comment comprendre cette insensibilité devant la mort d'un être cher? À chaque deuil, Virginia Woolf constate en elle ce rien, ce défaut de son être, cette intermittence du cœur qu'elle vit comme une faute. Le jour même de la disparition de Toby, son frère aîné, elle écrit une lettre à Violet Dickinson dans laquelle elle ne fait aucune mention de sa mort. Et au décès de Lytton Strachey, son ami de jeunesse, elle dit n'éprouver sur l'instant qu'inertie et engourdissement. Ce n'est qu'après, longtemps après, que l'armée des émotions commence son siège, jusqu'à parfois l'anéantir. Ce comportement anachronique, décalé, inexplicable, sera souvent celui des personnages wolfiens, des êtres infiniment complexes, faits de néant et de fièvre, et animés de mouvements si fugitifs, si changeants, si impondérables, que Woolf ne parvient pas à les nommer. Devant la nature, en revanche, devant la campagne et ses saisons, devant sa beauté, ses couleurs, devant les averses fantasques, les douces courbes du fleuve et le vol des freux dans le ciel, Virginia Woolf peut sereinement emmailloter toutes ses sensations dans des mots. Mais nous ne sommes pas encore au temps d'écrire. Virginia a 13 ans et sa mère vient de mourir. Celle-ci était belle et riche et élégante et cultivée et issue du grand monde. Idéale. Elle avait eu 3 enfants de son premier mariage et 4 du second. À sa mort, son époux, Leslie Stephen, affiche un chagrin théâtral et écrit à usage intime un livre de souvenirs vibrant de lamento et de grands sentiments. Mais ce chagrin démonstratif ne l'empêche nullement de régner en despote sur toute la maisonnée et de reporter sur l'aînée des 3 filles, Stella, la toute soumise, la toute dévouée, ses exigences, ses caprices, ses frustrations et les fantasmes qui le hantent. Auprès d'elle, il abuse de son pouvoir de patriarche. Et la tendre Stella, à sa merci, subit son ascendant sans oser protester et se laisse enfermer dans un lien pour le moins équivoque. Ses frères et sœurs sont les témoins muets de cette affreuse emprise. Tous voient, tous savent, mais tous doivent se taire et ensevelir au fond d'eux le sentiment que quelque chose se produit au sein de leur famille qui ne devrait pas être. Dans ce milieu très puritain et très conventionnel de la grande bourgeoisie anglaise, il est des choses qui ne se disent pas. Un jour, Stella se fiance, et ses sœurs assistent éblouies à la métamorphose opérée par l'amour. Mais pour Leslie Stephen, la chose est inacceptable. Furieux, meurtri, jaloux, il ne supporte pas que Stella, pour laquelle il avoue avoir quelque chose de plus que de l'affection, lui échappe. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour retarder le mariage. La pauvre Stella meurt de maladie 3 mois après, et Vanessa et Virginia, accablées de tristesse, ne peuvent s'empêcher de penser que leur père en est, d'une certaine façon, la cause. Vanessa se révolte contre ce lion dangereux et quelquefois le brave. Il incarne à ses yeux cette haute société aussi cultivée qu'elle est conformiste. Virginia, moins frontale, éprouve pour ce père des sentiments ambigus. Ce dernier lui a lu les grands textes, lui a ouvert l'accès à sa bibliothèque et l'a fortifié dans sa passion pour la littérature. À ce titre, elle lui voue une gratitude infinie. Mais il lui inspire en même temps une inquiétude sans nom, une méfiance sauvage, une horreur même, contre lesquelles elle ne cessera pendant des années de se battre. Il meurt en 1904. Virginia souffre, après sa mort, d'un premier accès mélancolique. Elle ne dort plus, entend des voix qui l'appellent et tente de se défenestrer. Une fois rétablie, elle rejoint ses 2 frères, Toby et Adrian, et sa sœur Vanessa, lesquels, délivrés de l'emprise paternelle, se sont installés au 46 Gordon Square, dans le quartier de Bloomsbury. Une nouvelle vie commence. Toby invite les amis qu'il a rencontrés à l'université de Cambridge. Et un petit groupe se forme de jeunes gens riches, doués, brillants, spirituels, et d'une liberté d'esprit qui véritablement décoiffe. Ils sont essayistes, économistes, critiques d'art, peintres ou écrivains en herbe. Ils se querellent, ils se déchirent, ils s'aiment, ils se fâchent, ils se raccommodent, ils se refâchent. Mais l'amitié qui les unit demeure jusqu'à la fin indestructible. Ostensiblement anticonformistes, ils rejettent en vrac la cérémonie du thé, les explétifs de politesse, le capitalisme naissant, le roman victorien, l'art frileux, l'art prudent, et les bouches cousues presque autant que le sexe. Bref, tout ce que comporte d'exécrable cette société anglaise amidonnée, puritaine, étranglée de principes et violemment répressive sous le vernis de la bienséance. Ces jeunes gens choquent. Les personnes comme il faut, qui militent au redressement de la moralité anglaise, changent de trottoir à peine les avistelles. Les vieilles tantes, à l'heure du thé, les condamnent avec tant de vigueur que leur tasse s'en frémit. Henry James lui-même se dit choqué par eux. Il faut préciser qu'un terme comme « chien » lui semble imprononçable tant il pue la vulgarité. Toutes ces réactions les amusent. Car les jeunes gens de Bloomsbury ont l'esprit à s'amuser. Mieux, l'enjouement est chez eux quasiment un devoir. Et Virginia Woolf n'y déroge que rarement. Toby, son frère aîné, meurt en 1906 de la fièvre typhoïde qu'il a contractée lors d'un voyage en Grèce. Peu de temps après, Vanessa, sa sœur adorée, sa Nessa chérie, se marie à Clive Bell, peintre comme elle. Virginia désormais se sent seule et en quête passionnée d'amour. Elle se rapproche alors de son beau-frère Clive. Clive le mondain, le spirituel, le futile. Clive l'égocentrique qui ne peut s'empêcher de décocher ses petits hommages à sa propre personne. Mais Clive l'esthète, Clive le raffiné, Clive le littéraire qui constamment l'épaule et constamment l'incite à aller vers elle-même. Virginia confie à Clive le penchant qu'elle a pour l'écriture et de fil en aiguille, le penchant qu'elle éprouve pour lui. Les voilà qui flirtent ensemble. Leurs amis, sévèrement, désapprouvent. Seule Vanessa, avec la dernière dignité, se tait. En 1909, Virginia et son ami Lytton Strachey, homosexuel lettré et doté d'un physique assez peu avenant, décident sur un coup de tête de se marier. Puis, dans un éclair de lucidité tout aussi brutal, se ravisent. Un an plus tard, Virginia sombre dans la mélancolie. Toutes ces morts qui ont précédé, le mariage de Vanessa qui l'a séparée d'elle, sa déconvenue après le refus d'un premier manuscrit, un célibat qui lui pèse et qui la préoccupe, ont convergé vers un point central de son être et réveillé les démons noirs et velus de la dépression. Quelque temps après, elle déménage tout en restant dans le quartier de Bloomsbury et partage une maison avec son frère Adrian et deux de ses amis, ce qui, pour une femme, est fort mal vu. C'est à ce moment-là qu'apparaît Leonard Woolf. Leonard a rencontré Toby et tous ses gens bien nés à l'université de Cambridge. Lui est issu d'une famille qui vient à peine d'émerger de la classe des boutiquiers. C'est Virginia qui le dit. Mais il est brillant, ça compense. Leonard, après l'université, est parti pour Ceylan, où il a occupé pendant 6 ans les fonctions très ennuyeuses de gouverneur, pratiqué la chasse aux tigres, appris le tamoul et forniqué avec des prostituées, non sans quelque dégoût. De retour à Londres, Vanessa l'invite à dîner et Virginia à partager la maison qu'elle occupe. Aux deux, il dit oui. Puis, encouragé, demande Virginia en mariage. Virginia hésite un moment devant ce tremblant misanthrope juif, je la cite. Elle hésite d'autant qu'elle ne ressent pour lui aucun frisson sexuel, ce qu'elle lui déclare quelque peu abruptement. Mais comme elle lui trouve par ailleurs 1000 autres qualités, Virginia, après 20 débats intérieurs et 4 nuits d'insomnie, finit par accepter. Voici donc Virginia Woolf mariée, et les amis de Bloomsbury à présent dispersés. Virginia et Leonard aiment infiniment leur vie commune qu'ils partagent entre Londres et Richmond. Ils s'adonnent à une orgie de lecture, Côté sexe, ils sont chastes, écrivent, se promènent, bavardent, se confient mille choses stupides qui les réjouissent et reçoivent des visites, lesquelles sont, certains jours, pour Virginia, un fardeau accablant. Car, et c'est une autre de ses contradictions, car Virginia Woolf est mondaine autant que solitaire, anéantie certains jours par les courbettes et s'y adonnant d'autres jours avec délectation, emportée dans le tourbillon des futilités londoniennes ou prise brusquement du désir de faire abstinence du monde et de se cloîtrer à Richmond afin de s'empoigner à cette chose anguleuse qui occupe son esprit. Mais qu'elle soit ici ou là, Virginia Woolf travaille toujours avec une ardeur infatigable. Travailler est sa seule parade au danger de devenir folle. Travailler, lire, écrire, écrire, sans relâche, de façon à ne pas sombrer dans ce néant qui sépare deux moments d'écriture. Elle a créé avec Leonard en 1917 une maison d'édition, la Hogarth Press, où tous deux impriment, collent, relient, choisissent des couvertures, compose et corrige des manuscrits, ficelle et transporte des paquets jusqu'à en avoir les mains qui tremblent et s'occupe de diffuser leurs livres chez les libraires de province qu'ils vont visiter en voiture. La Hogarth Press publie presque tous les livres de Virginia et beaucoup de ses contemporains qu'elle admire, notamment T.S. Eliot, Rainer Maria Rilke et Catherine Mansfield. À ce travail d'éditrice qui la passionne s'ajoute la rédaction de textes critiques, l'écriture d'essais, de pamphlets, de romans, de lettres, de journaux intimes et de conférences qui constituent, si on les additionne, une somme monstrueuse d'occupations. Virginia s'y consacre, portée par des humeurs et des rythmes changeants. Parfois, elle connaît ces moments bénis où son esprit s'élance vers les plateaux sauvages. Alors elle écrit au galop, et sa plume court, et sa plume dévale, et elle avance dans une impatience, dans une rapidité, dans une aisance, dans une fraîcheur d'esprit et un bouillonnement d'idées extraordinaires, jusqu'à franchir d'un bond le précipice. C'est ainsi que naissent Orlando, Flush et Trois Guinées, purs jets, purs élans de joie, purs moments de grâce. Alors Virginia peut déclarer sans mentir « Je suis la plus heureuse des épouses, le plus heureux des écrivains, et je le prétends, l'habitante la plus aimée de tout Tavistock Square. » Mais il arrive trop souvent que cette joie divine, que ce jaillissement, cette force aussi sauvage que le vent, cette force errante, incalculable et soudaine, l'abandonne. Sa ferveur retombe. Ses forces fléchissent. Elle devient la proie d'un de ces reflux de vie qui la rendent incapable de hisser un mot de plus sur le mur. L'horreur rapplique que l'écriture avait réussi à tenir à distance. Elle en connaît toutes les prémices. Elle peine à soulever le poids des mots. Elle voit ses phrases, sitôt hissées, retomber dans le vide et s'abolir. Rien n'est plus désespérant. Et le livre achevé, c'est pire encore. Virginia Woolf sombre, chaque fois, dans la même mélancolie. Alors elle s'accuse de tout. D'être ratée, impuissante, stérile, imbécile, méprisée, ridicule. Alors elle se sent friable, au point de craindre, si elle passe une soirée en solitaire, de littéralement se désintégrer. Alors elle se reproche de ne rien savoir de la vie. Mais pourquoi écrire si on ne sait rien de la vie ? Alors elle se dit que toute œuvre est toujours forcément décevante au regard de la perfection de son projet. Et quand d'autres artistes font de ses faiblesses vertus, quand il joue de cet écart entre l'œuvre rêvée et l'œuvre imparfaite en train de s'élaborer pour y glisser une surprise, un courant d'air, un lapin, une colombe, un verbe inopiné, que sais-je, Woolf vit cette impossible adéquation comme une défaite personnelle. Le doute la ronge. Elle trouve que « Les années » est un pudding atroce, « Trois guinées » un radotage sans force, « Entre les actes » un livre faible et peu fouillé. Et elle ne sait comment appréhender cette chose en elle qui lui fait, après chaque livre, désirer de mourir. L'indéniable est qu'elle est d'une susceptibilité extraordinairement vive aux bourrasques du monde et qu'elle prête une attention exagérée au jugement d'autrui. Car à la différence de ses amis capitonnés d'une couche graisseuse de satisfaction d'eux-mêmes, Sa couche protectrice à elle est une pellicule d'une extrême minceur. Si bien qu'un mot d'éloge la transporte, mais que les coups d'étrivière de l'observeur la laissent anéantie. On peut se demander pourquoi Virginia Woolf, si lucide sur ce que le succès comporte de méprise, si consciente du fait que la fortune des livres dépend de leurs transactions plus ou moins réussies avec l'esprit du temps, on peut se demander pourquoi elle se laisse affecter par des paroles critiques dont la valeur est éphémère et contingente, elle le sait, ou par des paroles mondaines dont elle dit elle-même qu'elles sont creuses et ne signifient rien. Pourtant, il arrive parfois que l'impulsion d'écrire soit impérieuse, irrésistible, jaillissante. Moment de foudre, pure félicité. Il arrive qu'en elle une force divine surmonte et domine ce sentiment si désolant que l'œuvre est toujours un écueil. Dans ces moments de grâce, il s'agit de saisir ce qu'elle appelle la réalité. Saisir l'instant, le temps qui tombe. Saisir cette dispersion où nous sommes, nos menus morceaux. Mais il s'agit surtout pour elle de saisir le rythme, le battement, le flux et le reflux des vagues qui se brisent une, deux, et qui aspergent la grève. Elle dit dans Orlando, « Mr. Addison, Mr. Swift et Mr. Pope enseignèrent à Orlando l'essentiel du style, qui est d'avoir un ton de voix naturel. C'est une qualité qui ne s'acquiert que par l'oreille. Un écrivain est une oreille, rien d'autre. » Un écrivain, comme le cœur et les marées, a son rythme intérieur. Et s'il n'entend pas son rythme intérieur, il n'est pas écrivain. C'est aussi simple et aussi implacable. Le rythme est l'écrivain. Comme Place, comme Tsvetaeva, Woolf, c'est un rythme, c'est-à-dire la voix inimitable d'un sujet, sa voix innée, sa voix singulière, laquelle résiste à toutes les métriques sociales. En 1922, Virginia tombe éperdument amoureuse de Vita Sackville-West, poétesse et romancière de 10 ans son aînée, et qu'elle aime, lui écrit-elle, des cheveux aux talons. Et c'est pour Vita, pour l'amour d'elle, pour le souvenir d'elle, que Virginia Woolf écrit Orlando, mon livre préféré, mon livre admiré, que j'aime des cheveux aux talons. Un livre malicieux, pétillant, rapide, léger, moqueur sans amertume, satirique sans fiel, fantaisiste et profond, et qui donne la voix à une créature aux yeux couleur de violette trempée, qui est homme et qui est femme, ou qui n'est ni l'un ni l'autre, ou qui est les deux à la fois. J'ai relu Orlando je ne sais combien de fois, et le relirai encore. Je ris souvent en le lisant, et quand je ne ris pas, je suis, comme on dit, sous le charme. J'aime que Woolf, si fragile, si vulnérable, s'y venge, et qu'elle s'y venge de la seule façon dont il convient de se venger des méchants, par le rire. Exemple, le portrait qu'elle fait de Nick Green, le critique littéraire obsédé de gloire autant que de monnaie, plein de ressentiment pour les auteurs vivants qu'il stigmatise et raille, et dont les mots haineux ont la vertu de le nourrir, apparemment fort bien, et de l'enrichir, apparemment beaucoup. Tiens, il me fait penser à quelqu'un. Les dernières années de la vie de Virginia Woolf vont être à l'inverse de celles si vivantes évoquées ci-dessus. En 1937, l'année de parution du roman « Les années », Julian Bell, son neveu, qui s'est engagé auprès des républicains espagnols, est tué en Espagne par les troupes franquistes. Et le chagrin de cette mort ne va plus la quitter. En juin 1938, la sortie de « Trois Guinées » ne lui apporte que tristesse. Ce livre militant, qui n'est pas son meilleur, défend la cause des femmes dominées et exploitées par les hommes. Il provoque les injures de la critique, en grande partie misogyne, et l'hostilité de ses amis de Bloomsbury, rebutés par son côté trop littéralement politique. La déclaration de guerre la tourmente. Un monde est en train de sombrer et le nouveau n'est pas prêt de naître. Le 26 février 41, Woolf achève « Entre les actes » et l'envoie à son éditeur. Le 20 mars, elle lui adresse une lettre d'excuse, lui expliquant que son roman est faible et insuffisamment fouillé et qu'elle demande le report de sa publication à l'automne. Le même jour, Vanessa, venue prendre le thé, s'inquiète de l'état de sa sœur et lui écrit le soir même pour l'exhorter à se soigner. Le 23 mars, Virginia répond à Vanessa que l'horreur recommence, que des voix inhumaines l'assiègent et qu'elle redevient folle. Le 28 mars, elle écrit à Léonard « À toi le plus cher. Je suis certaine que je retombe dans la folie. Je sens que nous ne pouvons plus traverser un de ces épisodes épouvantables. Et cette fois-ci, je ne m'en remettrai pas. » Ce même jour, elle entre dans la rivière Ouse, les poches pleines de pierres. Les eaux se referment sur elle. Et rien ne vient soulever leur poids. C'était « Sept femmes » de Lydie Salver. Deuxième épisode, Virginia Woolf. Texte dit par Hélène Losseur. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Assistance technique et montage, Jean du Cimetière. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Étienne Vallès. « Sept femmes » de Lydie Salver est publiée aux éditions Perrin. Pour la radio, le choix des extraits de « Sept femmes » de Lydie Salver a été fait par Nadine Eggels.